et je m'applique à lui faire du bien. Cinquième affirmation. J'ai confiance en la vie et je pratique la patience. Sixième affirmation. Le bonheur est toujours ici et maintenant. Septième affirmation. La négativité est une forme de souffrance. Huitième affirmation. Je me sers de la parole uniquement pour faire le bien et dire du bien. Neuvième affirmation. Je pense à ceux qui ont moins pour me rappeler la chance que j'ai. Dixième affirmation. Je ne crois les histoires dans ma tête que si elles sont utiles à mon bonheur. Onzième affirmation. Je cultive le calme et je pratique la méditation pour muscler ma confiance. Douzième et dernière affirmation. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux toujours faire de mon mieux ici et maintenant. Essaye maintenant d'examiner ton humeur du moment comme si tu observais tes émotions de l'extérieur. Quand tu seras prêt, tu pourras progressivement sortir de la méditation et doucement prendre conscience de tout ce qui t'entoure, tel que les bruits autour de toi, le poids de tes vêtements sur ton corps, la température de la pièce et toutes les couleurs qui t'entourent. J'espère que cette méditation t'a été bénéfique. À bientôt.